retrouve mon père. Il retourne la terre, loin du monde des affaires. La crise est loin de lui, il cultive sa vie. Il a coupé les ponts, il vit au rythme des saisons. La crise est loin de lui. Tranquille, il vit sa vie. Sa vie est belle ici. La crise est loin de lui. Il vit un jour son fils devenir un jeune artiste. Il chantait sur les ponts en se foutant de la saison. La crise est face à lui, il ne change pas d'habit. Il évite les pièges en exerçant quelques arpèges. La crise est loin de lui. Tranquille, il vit sa vie. Sa vie est belle ici. La crise est loin de lui. Je fais la grève contre la grève, faut que je travaille, vaille que vaille. Je prends le train, y'a pas de train. Je prends le métro, pas de métro, c'est la grève. Marche ou crève, faut que je bosse pour le boss. C'est la grève, c'est pas grave, faute de griffe, moi je groove. Je quitte la ville, je pars aux îles, je prends l'avion, y'a pas de vol. C'est la grève, j'ai pas de bol. À Orly, y'a pas de lit, je rêve de quitter Paris. Je fais la grève contre la bruit. On m'a braqué ma guitare, sans mon art, plus de l'art. Je repense à mon père, la culture de la terre, en cultivant ses radis. Il est tranquille dans sa vie. La crise. Il vit sa vie. Sa vie est belle ici. La crise est loin de lui.